Fréquence Vie, Abidjan 89.4 FM. Voilà, la mission évangélique Montagne des Délivrances organise Péniel, comme vous le savez. Nous allons recevoir ici une servante de Dieu, évangéliste Dadi Christelle, pour nous en dire un peu plus. Le rendez-vous, ce sera du mercredi 5 au vendredi 7 février 2020, du côté de Macorie, avec pour thème l'Éternel Dieu, tiré du livre de Genèse, chapitre 2, verset 5. Évangéliste Christelle Dadi, bonjour. Bonjour, chef Kyo, et shalom à tous nos auditeurs de la vie. C'est bien cela, Péniel, trois nuits de prière, trois nuits de délivrance, trois nuits de restauration, de guérison, de miracles et d'actions prophétiques. Péniel, c'est face à face avec Dieu. Nous venons et nous prions jusqu'au matin et nous appelons l'intervention du Seigneur dans nos vies, dans nos situations et dans tout ce qui nous concerne. Donc, le mois de février, qui est la deuxième édition, le thème qui va nous rassembler est l'Éternel Dieu, tiré du livre de Genèse 2, le verset 5. L'Éternel Dieu, pourquoi? Parce que le Seigneur, par le canal de notre papa, l'apôtre là, veut se révéler à nous. Je veux dire comme ça que Péniel n'est pas seulement une plateforme de prière, mais aussi nous recevons des enseignements venant de notre papa. Et vraiment, notre papa, vraiment le Seigneur lui a fait grâce au travers des enseignements. Et bien aimé, toi qui vas te déplacer, tu seras gratifié de ces enseignements. Enseignement là, connaître bien l'Éternel et pouvoir mieux prier, pour pouvoir mieux orienter ta prière dans le combat afin que la victoire soit ton partage. Et c'est à partir de ce mercredi 5 au vendredi 7 février de 22h à 4h du matin. Il faut dire que la mission évangélique, la montagne des délivrances, la maison des signes et des merveilles est située à Makori-Sikoji près du collège Pascal. Makori-Sikoji près du collège Pascal. Et nous avons déjà pris toutes les dispositions pour recevoir tous ceux qui viennent de loin. Ils n'auront pas à faire la navette, mais ils vont rester même au sein de l'église pendant ces trois nuits et ils n'ont rien à payer. C'est un programme gratuit. Et les contacts pour tous ceux qui veulent nous joindre, nous avons le 21 26 98 51, le 21 26 98 51, le 07 32 94 18, le 07 32 94 18 et le 07 65 36 85. 07 65 36 85. Merci évangéliste Christelle Dadi d'être passée ici pour annoncer cette autre édition de Péniel qui va se tenir du mercredi 5 au vendredi 7 février prochain du côté de Macorie à la mission évangélique Montagne de délivrance. Au revoir. Merci. Alors, nous recevons sur ce plateau notre confrère Raphaël Bonny pour nous donner une information très capitale par rapport à cette formation qu'organise Jeunesse en Mission, n'est-ce pas? Raphaël Bonny, bonjour. Tout à fait. Bonjour, IQO. Donc, c'est la formation des formateurs en éducation chrétienne, une formation qui s'adresse aux enseignants dans la vision biblique de l'éducation. En d'autres termes, tous les chrétiens qui sont fondateurs ou les églises qui ont des établissements scolaires ou des personnes qui sont sensibles à la question de l'éducation de leurs enfants. Ce sera à Dabou et le thème, c'est comment aider les enfants à étudier. Il y a beaucoup de choses que cela implique. On va parler du mode d'apprentissage de l'enfant, c'est-à-dire mieux connaître l'enfant dans son style d'apprentissage pour mieux le dépasser plus. Vous connaissez comment l'enfant fonctionne, vous pouvez mieux lui communiquer le savoir. Et puis aussi, on va parler de l'enseignant lui-même, parce que chaque enseignant a aussi son style d'enseignement. Il y a d'autres qui sont style conférencier, il y a d'autres qui aiment jouer avec les enfants, il y a d'autres qui sont style dictateur. Et plus vous connaissez votre propre style d'enseignement, et mieux vous pouvez l'ajuster pour aider les enfants. On va parler aussi du cerveau de l'enfant, alors le fonctionnement du cerveau pour mieux aider les enfants. Et puis la discipline, différentes formes de discipline pour mieux instruire l'enfant. Et tout cela va se passer du 16 au 22 février au lycée Jeune Fille de Dabou, un très beau cadre, et le lycée même c'est une référence. Donc voilà, c'est une formation internationale qui a été mis en place par plusieurs pédagogues à travers le monde. Et nous sommes à notre deuxième édition. Et la formation se tient en une année. Il y a la théorie et la pratique. Et cette session-là, c'est le module 2, et qui sera suivi de la phase pratique. C'est-à-dire que quand vous finissez, vous appliquez ça dans une salle de classe, que ce soit à l'école des dimanches ou dans un établissement scolaire.